où tu as failli à ton devoir. À toi de te demander des comptes à ta propre personne. À toi de faire ton examen de conscience. Eh bien, c'est un peu ça ce que nous apprenons durant cette période. C'est un peu ça ce que nous devons rechercher. Autrement dit, c'est retravailler son tempérament, retravailler son caractère. Et mise en garde est à faire concernant ceux et celles qui se cachent, et nous ne cesserons de le répéter, qui se cachent derrière un faux prétexte et un faux argument. Il y a certains qui disent « Moi, je suis comme ça et je ne changerai jamais. » Il y a des gens qui disent ça. C'est-à-dire qu'il a certains défauts, il a certains vices, ou alors il a certains manquements. Ben, qu'est-ce qu'il dit pour se cacher, pour ne pas faire d'efforts? Il vous dit « Moi, je suis comme ça et je ne changerai pas. » Eh bien, il est clair que la réponse à ça, que la manière de réagir face à ce genre de propos, c'est de rappeler à cette personne, à ce frère, à cette sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme dans un état de changement constant. On change tout le temps. Toute notre vie est faite de changements. Alors il est trop facile de baisser les bras et de se cacher derrière de faux prétextes pour ne pas changer. Nous avons tous un devoir de changer. Et d'ailleurs, regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset que nous mémorisons tous et toutes. Il dit « Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha ». Qad aflaha man zakaha fera partie du nombre des gagnants, celui qui l'aura purifié. Et lorsqu'on parle de purifier, cela signifie qu'il y a un effort. La purification, c'est pas du jour au lendemain, tu te lèves le matin, mashallah, ça y est, t'as plus de défauts. C'est que tu as dû travailler sur ta propre personne pour te libérer de tes vices, de tes défauts, de tes manquements, de tes écarts. Wa qad khaba man dassaha, et sera perdant celui et celle qui délaisse l'éducation de son âme. Eh bien, soignons son âme. Et à ce sujet, il y a un très beau livre que je vous recommande de lire. Ce livre est écrit par un éminent homme de science et savant de l'islam qui était andalou, qui s'appelle Ibn Hazm. Ibn Hazm, donc l'andalou, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « La thérapie de l'âme ». Et ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il nous livre aussi quelques expériences personnelles, comment lui, il a dû souffrir, et il a souffert pour surmonter certains défauts qu'il avait. En fait, c'est un très beau livre. Je rappelle une fois de plus le titre, c'est « La thérapie de l'âme ». Alors, honorable frère, honorable sœur, je voudrais t'interpeller sur autre chose par rapport à cette même question avec laquelle nous avons démarré cette conférence. Et demain, que feras-tu? Beaucoup d'entre nous, et je l'espère, durant ce mois, ont rompu avec leurs péchés. Mais malheureusement et tristement, certains d'entre nous vont revenir aux mêmes habitudes, vont revenir vers les péchés. Ces choses qui déplaisent à Dieu, à Allah Azza wa Jal, il est triste de constater, d'observer que certains d'entre nous, pour ne pas généraliser, certains d'entre nous vont de nouveau recommencer. Avons-nous oublié que cette lumière qu'Allah Azza wa Jal promet à chacun d'entre nous, cette lumière qui illumine al-quloub, les cœurs, pour pouvoir l'obtenir, il n'y a qu'une seule condition. C'est couper le cordon ombilical qu'il y a ou qui relie les tentations de ton âme au péché. Si tu coupes la corde, si tu mets un terme à ces péchés par un repentir sincère qui signifie qu'il n'y a plus de retour, une situation de non-retour, eh bien, sois convaincu, cher frère, chère sœur, qu'Allah Azza wa Jal va te donner en échange cette lumière que tu as besoin. Un homme de science du nom de Abdullah ibn al-Mubarak disait, il parlait dans un vers poétique ou dans des vers poétiques, il parlait des péchés. Il disait Ra'aytu adh-dhunub tumitu al-qulub wa yurithu adh-dhulla idmanuha. J'ai constaté que les péchés tuent les cœurs. Et malheureusement, ces péchés héritent, ou plutôt font hériter le cœur, une dépendance par rapport à ces péchés. C'est comme celui que Dieu nous en préserve, qui touche à certains vices, l'alcool ou la drogue ou autre. Eh bien, ça devient un vice, il n'arrive pas à s'en détacher. Pareil ici. Ra'aytu adh-dhunub tumitu al-qulub wa yurithu adh-dhulla idmanuha. Et le fait de persister sur les mêmes péchés que nous faisons avant, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait porter l'habit de l'humiliation, adh-dhul. Nous serons toujours humiliés. Nous serons toujours, entre guillemets, minables par rapport à Dieu. Il n'aura aucun regard. Son regard ne se portera pas sur nous. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite ? وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. Et le fait d'abandonner les péchés, c'est ce qui fait revivre les cœurs. Et le meilleur pour toi, c'est d'abandonner ceci, autrement dit les péchés. Alors, la rupture avec les péchés, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi ? Parce que les tentations sont toujours là. Et je vais vous citer quelques tentations. La première des tentations, c'est le fait que Satan nous fait passer le moindre péché comme étant un acte banal, simple. Un acte, c'est pas grave ce que tu fais, c'est rien, il y a pire que ça. Il y avait un compagnon qui disait, il y a certaines actions que vous accomplissez, qu'à notre époque à nous, et du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous considérions ces péchés comme étant la source de l'égarement et de la perdition du serviteur. Et vous aujourd'hui, elle est à vos yeux comme un cheveu. Autrement dit, on a banalisé. Et ô combien certains péchés nous les avons banalisés. Nous les avons sous-estimés. Et un pieux prédécesseur disait, regardez cette parole terrible, disait, « La tanzur ila sigar al-ma'siyya walakin anzur ila 'idami man 'asayt. » N'observe pas ou ne regarde pas la petitesse du péché que tu commets, mais regarde plutôt ou observe plutôt la grandeur et la puissance de celui à qui tu as désobéi. Et aussi une autre manière, malheureusement, de se laisser piéger et de renouer de nouveau avec les tentations de l'âme et bien sûr celles des péchés, c'est l'entourage. Alors si nous sommes entourés par des gens qui ne nous aident pas dans notre foi, qui ne nous aident pas à repenser nos maux et nos défauts, eh bien il est clair que nous allons nous enfoncer encore plus. Et ça c'est le problème de certains qui nous disent « Moi j'ai un péché, j'arrive pas à m'en libérer ». Certaines personnes disent ça. Ils disent « J'ai un vice, j'ai un péché, je n'arrive pas à m'en libérer, comment je dois faire ?» La première question qu'il faut lui poser après le fait de l'inviter à s'en remettre pleinement à Allah Azzawajal, c'est de lui dire « Cher frère, qui sont tes fréquentations ?» Eh bien, vous serez étonné de remarquer qu'il a gardé les mêmes contacts avec certaines personnes. À cause de celles-ci, ce qu'on appelle « Qurana » donc les mauvais compagnons de route, à cause de ceux-ci, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, soi-disant, on va s'éloigner de tel ou tel péché, tel vice, eh bien, on continue. Alors, la meilleure manière, c'est de couper court, c'est de changer. Et vous connaissez certainement la métaphore prophétique, l'expression prophétique, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous donne l'exemple de la bonne et de la mauvaise fréquentation. Il dit, la bonne fréquentation ressemble à celui qui vend du parfum. Quand tu rentres chez lui, ou alors il te donne un peu de parfum, ou alors tu sors de sa boutique avec l'odeur du parfum. La mauvaise fréquentation, quant à elle, ressemble au forgeron. Lorsque tu rentres chez le forgeron, ou alors il brûlera tes vêtements par les étincelles qui se dégagent du travail, donc du fer, ou alors tu sortiras de chez lui avec une odeur nauséabonde. Eh bien, pareil. Alors, si tu veux réussir, si tu veux relever ce défi, si tu veux vaincre cette tentation, eh bien, change de fréquentation. Fais un tri dans tes connaissances. Et arrête de répéter à chaque fois, mais ce sont des amis, on fait rien de mal. Ça, tu te mens toi-même. Tu mens à ton créateur, tu te mens à toi-même. Le gars dit, moi, je fais rien de mal. Il passe son temps à faire la médisance, à mentir sur les gens, à comporter des fausses informations, à se moquer des autres, et à passer son temps dans l'inutile, dans le futile, et après il vous dit, moi, je fais rien de grave. Le simple fait que tu es présent avec eux, même si tu ne parles pas, tu es complice. Tu es coupable aussi, que tu le veuilles ou non. Alors fais en sorte de couper court. Choisis ceux et celles, ceux pour les frères et celles pour les sœurs, qui t'apporteront un plus dans ta foi. Il y avait un homme un jour qui cherchait une assemblée. Il cherchait une assemblée pour nourrir sa foi. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est entré dans une mosquée, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a trouvé un cercle de fidèles, donc de frères. Il est venu vers eux, il était content. Il dit, c'est certainement une assemblée de rappel où je peux soigner et penser donc quant à mes maux et quant à mes défauts et aussi de me rappeler d'Allah Azzawajal, ça m'aidera à me remettre sur les rails. Alors lorsqu'il arrive devant l'assemblée, qu'est-ce qu'il remarque ? Il remarque que cette assemblée parle de quoi ? Dans la mosquée, elle parle de dunya, elle parle de ce bas monde. Alors c'est là qu'il les a interpellés en leur disant, vous savez à quoi je ressemble lorsque je vous vois ? Je ressemble à celui qui marche dans une rue ou une avenue sous une pluie torrentielle, il cherche absolument un toit. Et voilà qu'il trouve une maison. Et lorsqu'il se réfugie dans cette maison, il remarque que la maison n'a pas de toit. Donc la pluie continue à tomber. Ben c'est pareil. Moi je cherche à nourrir mon cœur et je vous retrouve, vous parlez de dunya, vous parlez de ce bas monde. Et malheureusement, ô combien nos assemblées nos assemblées, nos réunions, nos rencontres sont souvent corrompues par ces choses-là. Je ne dis pas qu'il faut se transformer en ange, parler que deux fois. Parle de dounia, il n'y a pas de problème. Mais si toute ta soirée, tu parles que de ça, il n'y a pas un moment où tu parles de foi, ou de ce que tu as lu, ou d'un verset qui t'a interpellé, ou d'une parole prophétique qui t'a touché, ou d'un sermon qui t'a remis en question,